Elle veut du Gucci, que ça te nourrit les boutiques. Entre nous deux pas de sentiments, de toute façon on s'est déjà tout dit. Non faut pas tout mélanger, on se complète, on sait ce qu'on veut. Y'aura pas plus que ça entre nous, non je peux pas m'attacher. J'suis pas romantique, à pas de bouger. Mauvais garçon fait du phobie. C'est ma chérie, tout est noir ici, seuls les billets sont colorés. Si t'es la bonne, c'est eux contre nous, j'suis prêt pour le danger. J'suis devant toi s'il faut se mouiller, j'ai de quoi les arroser. Elle me dit j'aime trop quand t'es méchant, quand tu m'emmènes dans la chambre. J'ai qu'une phrase à nous entendre, m'occuper toi j'ai le temps. Elle me dit j'aime trop quand t'es méchant, quand tu m'emmènes dans la chambre. J'ai qu'une phrase à nous entendre, m'occuper toi j'ai le temps. Baby, baby, rentre dans la chambre, reste là. J'ai rempli le coffre, mon bigo résonne. Toujours concentré, j'ai les méthodes. La tête sur les épaules, j'aurai ma porte et j'aurai ma poche. J'ai des gros objets, si ça déborde. Depuis mes 7 ans, je rêvais du Porsche. Mais à mes 15 ans, j'étais sous le Porsche. Tourner, tourner, toute la journée. Toute la journée, fallait tourner, j'avais pas le choix. Ah, j'suis dans la tête, baby, rien que m'appelle. Veux rentrer dans ma tête, nah. Faut ralentir, maintenant je passe à l'antenne. C'est que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Bébé, je te le répète, j'ai plus le temps. MJ, j'aime trop quand t'es méchant. Quand tu m'emmènes dans la chambre, j'ai qu'une phrase à nous entendre. M'occuper, toi j'ai le temps. MJ, j'aime trop quand t'es méchant. Quand tu m'emmènes dans la chambre, j'ai qu'une phrase à nous entendre. M'occuper, toi j'ai le temps. Baby, baby, rentre dans la chambre, reste là. T'aimes comme un noche, faut que tu meurs, faut que je coche sa date, j'ai pas mis de crochet. Faut pas me fâcher, je peux te lâcher pour le respect. Je rappe pour la monnaie, pas pour des trophées. J'oublie pas ma voix, je suis toujours à la tête. Tu peux me voir dans une bête en train de fumer un pet. Je me prends plus la tête, je mets un prix sur ta tête. Tête, je suis un loup solitaire. J'ai compté des points. Je mets les barres sur les dés, les i sous les points. J'ai soulevé des points, fallait sortir les points. La matière grasse me fait perdre du poids. J'ai du poids sur mes épaules, c'est moi Kylian Mbappé du ghetto. Ces tocards passent leur vie à fumer du bédo. Jamais tu me fais un truc de travers. Si jamais t'essayes, ça te fait une jamelle. On respectera toujours la loi. On gardera la tête haute face au coup bas. Le monde est trop matata. Allons, va t'arrêter. C'est pas fini, j'viens de commencer. Baby, j'fais la monnaie. J'fais du violet, du yellow. Allons, va t'arrêter. C'est pas fini, j'viens de commencer. Baby, j'fais la monnaie. J'fais du violet, du yellow. Moi, j'me méfie des gens. Car le monde est méchant. J'suis désolé, monsieur l'agent. Mais nous, on fait l'argent. Moi, j'me méfie des gens. Car le monde est méchant.